Donc on va accueillir Céline, bonsoir. Ouais, Céline, tu travailles, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vanina, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Olivia, bonsoir. Bonsoir, Gérard, mon tendre prince. Ah, d'accord, merci. Fabio, bonsoir. Ouais, bonsoir, Gégé. Christophe. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Et Jérôme, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Donc, alors, la première question, donc, c'est le débat, le premier thème, c'est sur les célibats. Donc ouais. on va y aller, on va commencer par la première question. Si vous êtes célibataire, l'avez-vous choisi? Donc, ouais. Qui dit oui, pour ouais. commencer? Bon, ben, c'est pas à vous que je pose la question, c'est aux auditeurs. Christophe. Donc, oui, Christophe. Non, pas moi. C'est-à-dire? Parce que pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer de filles, donc. Ouais, donc, pour l'instant, t'as pas choisi d'être célibataire. Voilà. Ok. Moi, c'est pareil, ouais. Qui? Céline. Mm-hmm. Parce que j'ai pas rencontré de fille, donc je suis célibataire. Non, mais attends, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre une fille et... Bon, bref. Ça cherche. Ouais, bah, d'accord, parce que t'es Gwyn. Oh là là, dis un mot. Bah, de toute manière, à mon avis, ça peut être que ça. Non, c'est pas ça. Non, Ah, ça commence. Allez, ça commence. C'est bah. Commencé, là. Non, mais ça va pas commencer comme ça. Arrête, là. Quand tu arrêtes avec ta voix de schtroumpf. Bon, alors, Christophe, t'as répondu. Jérôme. Ouais, j'ai répondu, hein. T'as répondu, Christophe. Ouais. Bah alors. J'ai pas répondu, moi, Jérôme. Et Christophe, il a répondu. Bah oui. Bon, alors, Fabio. Ouais, bah écoute, ouais, hein. Quoi, oui? Bah ouais. Non, mais réveillez-vous, parce que là, vous commencez à dormir. Tout à l'heure, si vous dormez, ça va aller vite, non, moi, hein. Mais je suis d'accord avec ta question, quoi. T'as vu l'heure qu'il est, en plus? Ouais, ben, vous allez vous réveiller. Ouais, bon. Mais c'est cool. Bon, t'énerve pas. Bon, moi, Jérôme, j'ai pas choisi. Pourquoi? Je me suis fait lourder. Voilà. Parce que j'ai un mec blasant, il paraît. Mais attends, Jérôme, c'est pas toi que je m'adresse, c'est à Fabio. Ouais, tu poses la question. C'est à moi qui s'adresse. Ah, d'accord. Mais Jérôme et Christophe, vous avez répondu, alors maintenant, Fabio. Ouais, bah, donc, ouais, moi, ouais, quoi, Gérard, ouais. Ben quoi, ouais, quoi? Bah, je vais te dire ouais. Bon, ouais, tu vas me dire ouais, mais tu vas te réveiller parce que tout à l'heure, tu vas dégager, tu vas pas continuer longtemps, toi. Ça y est, ça commence. Ton micro, hein? Bon, lâche la bouteille, GG, pose ta deuxième question. Ouais, non, pour l'instant, vous répondez à la première question, d'accord? Vous avez pas commencé. J'ai choisi d'être célibataire. Je voudrais répondre. Qui? Olivia, mon petit chou. Ouais, Olivia. Oui, bah, moi, j'ai choisi d'être célibataire parce que je ne trouve toujours pas chaussure à mon pied. Mm-hmm. Ah, parce que je suis trop romantique et. Les garçons n'aiment pas ça. Il y a Gérard. Bon, bah, bon, d'accord. Vanina, quel con. Non, quel con, bien sûr, on reste quand même poli un peu, hein. C'est qui a dit ça? Non, j'en sais rien, à mon avis, c'est dans les studios. Non, c'est Gérard. Non, c'est pas moi. Bon, c'est Vanina, je voudrais répondre. Ouais, Vanina. Bah, moi, personnellement, j'ai choisi d'être célibataire parce que pour l'instant, il n'y a que des blaireaux boutonneux, Ouais, exactement. Ou des gros machos, et franchement, j'en ai marre. Tu dis ça parce que t'es un boudin? Ouais. Mais il n'y a pas besoin d'être boudin pour être célibataire, d'accord? Exactement, c'est ça. Mais attends, moi si je suis célibataire, c'est que j'ai eu des problèmes que je dévoilerai pas. Non, on garde pas. Quoi, les verrues ou les trucs comme ça? T'as restez quand même poli parce que sinon vous allez voir comment ça va se terminer. T'es poli, verrues. Garde sec. Non, mais cool, hein. Donc, pour l'instant, je suis célibataire, bon, hein, comme Vanina et Olivia et Céline disaient. Pour l'instant, bon, hein, j'ai toujours pas trouvé la bonne personne avec qui pouvoir me confier. Ouais, bientôt la trouver, Gérard. Ouais, mais... Gérard, oui. C'est Olivia. Mm-hmm. Mon petit chou. Je vais te demander comment tu la voudrais, ta fiancée. Explique-nous un peu, exemple. Gonflable. Femelle. Sinon, comment tu voudrais qu'elle soit? Alors, déjà une qui fasse 1m60 ou 70, n'importe. Qui pèse entre 50 et 60. Attends. Qu'il ait du poil sur les seins. Les lascars, là, tout à l'heure, ça va être baisser ta culotte, toi, tu vas baisser ta culotte, on va te raconter. Ouais, moi, je suis pas homosexuel, hein. Ouais, tu vas retourner au standard, tu vas voir, ça va te faire tout drôle, toi, hein. C'est vrai qu'il est un peu poilu, à ce que j'ai entendu? Non, pas du tout. Je vais pas de chita. Ah, d'accord. Ouais, vas-y, continue. Donc, je viens de dire à peu près. Et quel âge? Bon, l'âge, de toute manière, c'est pas l'âge qui compte. Oui, une blonde. Tu fais gaffe à la... Non, mais pour l'instant, je réponds aux questions qu'on me pose. L'âge n'a rien à voir. Ce n'est pas l'âge qui compte. Est-ce qu'il faut qu'elle porte des tongs? Là, je vais dire une chose que tu vois, là, tu commences à vouloir aller un peu loin. Ouais, c'est un mal se passer, quoi. Hein, tu cherches la petite bête, donc en cherchant la petite bête... Tu as trouvé la grosse vite fait. Bravo! Ouais. Donc, c'est qui voulait savoir, c'était Olivia. Oui, je voulais savoir aussi. Comment tu veux qu'elle soit fringuée? Je t'importe comment qu'elle soit fringuée. De toute manière, c'est pas la tenue qui compte, hein. C'est la beauté. Je sais, mais ton. Ah, est-ce que tu aimes que les filles sentent bon? Oh ben, moi, je mets du parfum régulièrement, donc... Non, mais il faut se laver avant de mettre du parfum. Puis Gérard, Oui. Il faut les laver aussi, c'est ça. Ouais, Christophe. Une fille peut être belle dans l'intérieur, pas forcément le physique. Mais même... on en a rien à foutre. Bon, ben, si ça te plaît pas, les questions qu'on me pose, tu vois, j'ai dit que je répondrai aux questions. Non, mais les intestins, on s'en fout. J'ai dit que je répondrai aux questions, donc j'ai déjà répondu à la première question. Seconde question, Gérard. Donc, deuxième question. Croyez-vous que... Croyez-vous au célibat toute une vie? Tu veux goûter le Beaujolais nouveau, Jean? Ouais, je veux bien. Je répète la question. Moi, j'en veux bien. Ouais, Christophe, moi, j'en veux bien. Croyez-vous au célibat toute une vie? Christophe, oui. Alors, Christophe? Non. Pourquoi? Parce que dans ta vie, t'es obligé de rencontrer au moins une personne qui te plaît. Et mmh. Tu vas pas rester toute ta vie tout seul dans ton coin. Non, mais attends, il y a certaines personnes qui restent toutes seules dans leur vie. Ouais. Ça, c'est leur problème. Il y en a d'autres qui essayent de trouver quelqu'un. Bon, s'ils se prennent des râteaux, c'est pas de ta faute, problème, quoi. Ouais. C'est de leur faute. C'est pas de la faute aux gens. Hein, c'est pas de la faute aux mecs, parce que les trois quarts du temps, c'est souvent, on dit, ouais, toujours, les mecs, vous laissez les nanas tomber, alors que c'est faux, parce que les trois quarts du temps, c'est vous, les nanas qui nous plaquez le coup. Ouais, exactement. Plus vite que possible. Si. Non, il n'y a pas de lèche-cul qui tienne. Non, du vécu, moi, c'est ce que je pense. Ça sent le vécu, ouais. Non, c'est pas le vécu. Je dis ce que je pense. C'est la vérité qui blesse. Voilà. Déjà d'une. Donc, c'est ça que tu disais, donc pour toi, non. Non, pour moi, non. Ouais, mais alors, dis-moi pourquoi. Pourquoi? Oui. Je sais pas pourquoi. Par exemple, une personne qui travaille, il va forcément rencontrer quelqu'un dans son boss, quoi. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher à son boulot je sais pas, tu sors le week-end, tu dois forcément faire des rencontres. Par exemple, tu vas en boîte de nuit. Mm-hmm. Bah ouais. Deux semaines. Mm-hmm, ok. Le vendredi. Tu vas à la loco. Ouais, d'accord. Jérôme, ouais. Pour toi? Oui. Calme. Tu vas travailler, s'il te plaît. Oui, je suis réveillé. Moi je te dis, tu vas travailler. Oui, d'accord. Bon, moi je pense pas que c'est possible d'être célibataire toute sa vie. Parce que, ou vraiment il y a un problème quelque part. Ou la personne est très très moche. Mm-hmm. Ou elle est très très conne. Mm-hmm. Ou elle est les deux. Ou elle est plus belle. Jérôme, quoi? S'il y a quelqu'un derrière toi, tu lui dis que non, tu comprends pas. C'est à toi que je m'adresse, c'est pas la personne qui est derrière toi. Ouais, mais non, attends, il y a personne derrière moi, c'était un autre auditeur, si tu veux. D'accord. T'as deux ans de métier, tu comprends pas quand il y a des personnes qui parlent en même temps. C'est ça. Bon. J'ai dit que je suis un con, c'est ça? Non. Oh là là, mais pas du tout, écoutez. Non, Fabio. Moi je pense pas qu'on puisse être célibataire toute sa vie, Gérard. Mmh. Parce que bon, Dieu nous a donné un outil et il faut savoir l'utiliser, quoi. Ah c'est beau ça. Mmh. Ouais, okay. Mais quand il te fait capisser, c'est... D'accord. Olivia. Oui, Gérard. Moi je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que j'en suis sûre que même si on est célibataire pendant 10 ans, 20 ans, un jour ou l'autre on va trouver ce sera son pied. Mmh. C'est clair et net. Oh, non, mais attends, comment ça, tu as trouvé un jour ou l'autre, tu as trouvé une chaussure à ton pied, mais comment ça, explique-moi comment tu peux trouver quelqu'un à ton pied, quelle taille? Admettons que tu rencontres une personne et qu'elle te plaise pas, ou que tu discutes et que ça aboutisse pas. Comment tu fais? Moi, c'est une taille. C'est du 42, moi. Au plus, ils vendent des sandales pas mal. Non, bon, pour l'instant, laissez Olivia terminer parce que sa question, je voudrais qu'elle approfondisse. Ok, on va arrêter le Beaujolais, là. Hein. Je voudrais qu'elle approfondisse dans la réponse qu'elle vient de me donner. Oui, mon petit lapin. Ouais, alors, bah vas-y, ton petit lapin, il voudra bien que tu approfondisses. Je t'explique. Mm-hmm. Un jour ou l'autre, forcément, on va trouver chaussure à son pied. Ouais, des jambistes ou quoi? Sinon, ça peut pas être possible. Comment? Des jambistes, je te demande. C'est quoi ça? C'est quoi, une insulte, allez, au standard. Au standard. Bon, allez, Bon, Olivia, t'essaieras de m'expliquer ça plus tard. Vanina, s'il te plaît, tu travailles? Ben, je suis là. Je pense que pour rester célibataire plus d'un an, il faut vraiment le faire exprès. Ben, alors, ouais, attends. Quand même, hein. Ouais, non, mais moi, c'est ce que je pense. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es célibataire, toi, genre? Un an. Non, ça fait pas un an, ça fait 5 ans. 32 ans, c'est ça. 5 ans Gérard, une jambiste, c'est comme si t'étais cul de jatte, mais en plus, t'avais une jambe. Voilà. S'il te plaît, là, tu as... on va pas commencer à 1h17 avec des mecs qui commencent déjà à jouer sur des conneries. Oui, alors tu vas les calmer, tu vas leur dire gentiment, pas de problème. Calme. Gérard, okay, pas de problème. Gérard, c'est Vanina, peut-être que t'es un peu trop difficile aussi. Ouais, non, mais attends, ça fait 5 ans, j'ai déjà dit plusieurs fois la cause. Il aime que les grosses. C'est quoi la cause, Gérard? Tu peux la répéter? C'est qui c'est Olivia, mon petit chou. Hmm? Donc, je l'ai déjà précisé plus d'une fois à l'antenne que je ressors d'un divorce suite à un accident. D'accord? Mm-hmm. Voilà. L'accident que j'ai eu, c'est suite à un accident de camion en 93. Oh, voilà. Mais c'est tragique, c'est tragique. Donc, ça n'explique pas pourquoi à chaque fois qu'une nana jolie vient te voir, tu la rejettes. Ah non, pour l'instant, j'ai jamais reçu. Non. Attends, Olivia, s'il te plaît. Non, c'est Vanina. Vanina, je vais te dire une chose, pour l'instant, je n'ai jamais reçu aucune nana encore. Attends, mais je comprends pas, t'as divorcé parce que t'as eu un accident? Non, c'est elle qui est partie. Ah, okay. D'accord. Bah là, c'était une salle à part. Pourquoi tu l'as renversée avec ton poids lourd? Céline, pour terminer. Bon, tu me prends celui qui vient de dire le mot salope, là, parce que ça va déjà parti. Donc, Céline, pour toi, la deuxième question, et après, on passe à la troisième. Ah, calme-toi, hein. Mmh. Non, mais... oui, on peut rester célibataire. Gérard, respire un grand coup. Non, mais c'est bon, Olivia. Céline, oui, s'il te plaît. Oui, on peut rester. Regarde les bonnes sœurs, les curés, ils sont célibataires toute leur vie. Ça non, mais ça, c'est leur métier. C'est eux qui l'ont choisi, c'est leur métier, c'est eux qui ont choisi d'être célibataire, c'est tout. Ils sont rémunérés, ils ont plus que le SMIC et tout. Ok, donc troisième question. Pensez-vous qu'une femme peut subir le célibat? Oui. Ah. Bah oui. Alors, c'est clair. Oui, pourquoi? Bah réfléchis. Bah ouais, mais réfléchis, mais moi je voudrais que vous me donniez la réponse. C'est simple. Olivia qui veut répondre. Oui, Olivia. Alors, moi je dirais que c'est très difficile pour les filles parce qu'aujourd'hui les hommes sont de plus en plus exigeants. Mmh. C'est-à-dire comment ça? Donc, dans quelles circonstances Oh merde. Dans quelles circonstances que les hommes sont plus exigeants? Alors, explique-moi. Et là, ils veulent des filles belles, toutes belles, toutes minces, toutes intelligentes, et c'est trop. Attendez. Il n'y a pas besoin d'essayer de chercher midi à 14h. Mmh. Hein. On peut très bien trouver une nana qui soit belle et intelligente, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais même que la personne, si elle n'est pas intelligente, ou que ça soit pas belle, on peut très bien essayer de lier une amitié. Ah bah non, c'est pas pareil. Allô. Moi je disais que les filles c'était pareil parce que. Allô. Oui. Ouais, Christophe. Jérôme. Allô. Gérard. Je peux répondre ou pas? Oui, vas-y. Mmh. Bah moi je disais que les filles c'était pareil. Ta gueule. Non. Je peux parler ou pas? Calme. Bah, attendez, pourquoi tu me dis ta gueule? Non, c'est pas moi qui dis ta gueule. Je voudrais bien savoir quand même parce qu'on a donné les numéros de téléphone et sur Minitel, si des fois on pouvait avoir des réactions, ça me ferait plaisir un peu. Parce qu'en ce moment le Minitel on le laisse tomber le jeudi, hein. Gérard, arrête d'être con, arrête de boire. Gérard. Oui, dans les chiottes, oh oui. Bon, bah c'est bon, alors des questions comme ça, c'est même pas la peine. Gérard, les gens qui ont mis ça, c'est pas... Gérard, notre Miss Sodo préféré. Ouais. Bon. D'accord. Bon, alors les gens sur Minitel, c'est pour, si c'est pour laisser des messages d'insultes comme ça, c'est pas la peine de... Bah là, y a quand même... Vous faites ce que vous voulez. 50 connectés pour toi. Si des fois vous voulez réagir sur les questions que je pose, vous pouvez toujours et vous pouvez toujours appeler. Donc, oui. J'ai une petite question à te poser. Oui. C'est Olivia. Oui. Je vais te dire, si tu rencontres une fille qui n'est pas intelligente, qui n'est pas belle, mais qui est super sympa, est-ce qu'elle va t'intéresser? Bien sûr que non. Elle n'est pas belle du tout, hein, c'est un ton, hein. Super sympa, mais elle n'est pas intelligente. Mais de manière, c'est pas l'intelligence ni la beauté qui compte, en fin de compte. Vas-y, qu'on rigole. Alors, vas-y, dis-moi. Non, mais attends, si ça vous plaît pas, Fabio et Christophe et Jérôme, vous le dites tout de suite. Non, mais je suis d'accord, Gérard. C'est quoi, c'est qu'elle couche qui est important? Non, mais même qu'elle accouche ou qu'elle accouche pas, de manière, c'est pas... De manière, la personne, tu vas pas la forcer à accoucher dès le premier soir. Ah bah, bah, c'est clair. De manière, c'est le thème du deuxième débat, ça, c'est pas le thème du premier débat. Hein? Donc, elle fait le ménage et qu'elle prépare... Alors, réponds-moi, Gérard. Réponds, Gérard. Moi, je vais te dire une chose, qu'elle soit belle ou pas belle, de manière, j'en ai rien à se faire. C'est pas moi, c'est ma sœur qui bat le bain entre les cuisses de la question. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes de jouer au clown comme ça, s'il te plaît. Gérard, c'est Christophe, j'ai une question. Oui. C'est Olivier. Est-ce que tu penses que la beauté est plutôt anthracite par rapport au célibat de la femme? Non, t'as pas cite plutôt. La beauté, c'est pas... Que la beauté est plutôt anthracite par rapport au célibat de la femme. Gérard, t'en penses quoi? Mais même, de manière, c'est pas... Il n'y a pas que la beauté qui compte, hein. Faut pas rêver si la nana c'est une beauté abstraite. Une beauté pas possible qui passe 1m70, 80, 60, 80. Je vais dire une chose. Le mannequin. Que ce soit un mannequin ou autre, c'est un mannequin. Oui. Le mannequin Gérard, ce qu'il lui faut c'est une beauté avec une grosse bite. N'importe quoi. Même avec une petite. N'importe quoi. Mais Gérard, est-ce que c'est anthracite ou pas? Est-ce que tu penses que c'est anthracite ou pas? Comment ça? Bah, ça me paraît. Non, mais attends, Olivia, tu me dis, est-ce que c'est en principe ou pas? Oui. Mais attends, mais quoi qui est en principe? Mais pas en principe, anthracite. Ouais, mais alors, entre la cite. Entre la cite. Allez, entre la cite. Viens voir du Beaujolais. S'il vous plaît. Allez, la cite, rentre. Mais bon, vous laissez parler les nanas maintenant. Oui, d'accord. S'il vous plaît. Ok. Ouais. Alors vas-y, Olivia. C'est Olivia ou Vanina ou Céline? Quoi? Non, mais moi, c'est moi qui ai posé cette question. C'était plutôt anthracite ou indigo, c'est ça? Ouais. C'est bien, ouais, mais je vois pas le rapport avec le célibat. Bah, si, c'est évident. Je t'en prie. Oui, bon, ok. Bah, quoi? D'accord. Bah, Gérard reste en voix. Sur Minitel, il y a Maud qui pose une question à Gérard. Gérard, une question. Pourquoi t'es un beau fait m'en picoler et mettre la didas sans prendre de douche? C'est une question existentielle. Il y en a un qui se lève pas avec sa caméra, hein. Lui, c'est parce que j'ai le droit qu'à un verre, il sert les autres, et puis moi, ma cache. Réponds à la question, Michel. T'es vraiment un enfoiré. T'es pas là pour picoler, t'es là pour faire des débats. C'est vraiment un enfoiré, quoi. C'est vraiment qu'un poivron. Hé, hey, oh! T'es prévenu une fois, toi? Petite bière. Alors, pensez-vous que le sida peut exister partout? Oui. Pardon? Pensez-vous que le célibat peut exister partout? Christophe. Le célibat. Alors, Christophe. Oui, le célibat est présent partout, même chez les animaux familiers. Je vois mon chien est célibataire. Quand il sera au tribunal, il sera très content. Mais je veux dire, c'est un peu pour les gros joueurs. Il y a des mecs qui s'amusent à balancer des trucs là. Tu prends ça Christophe, tu lui demandes qui se calme, on parle pas des chiens. Ok. Mmh. Non mais c'est important en ce qui concerne le célibat des chiens aussi, hein. Non, ouais, pour respecter nos amis les bêtes, c'est vrai, ouais, hein. Tout à l'heure, si vous continuez, ça va aller vite fait, le débat il va s'arrêter là, je vais faire une conclusion, je vais attaquer le deuxième. Non, il y a une question, une devinette pour les auditeurs et pour toi aussi. Oui. Comment Gégé fait-il pour enlever son préservatif après une relation? Peut-être. Bien joué. Bien joué. On a gagné une soirée avec lui. Ah, je viens de comprendre, c'est de la veine dans le cul. Et hop, tu me le prends, lui, tu lui dis qu'il reste poli à 1h26 du matin. Ça y est, Gérard. Ça va aller vite fait, hein. J'ai filmé Christophe, il s'excuse. Oh non, mais il a blessé son chien. Okay, non, mais sur le chien, tu vas voir. Ok, je vais comprendre. Donc Céline, parce que Céline et Vanilla, s'il vous plaît, vous vous réveillez quand on pose des questions. Questions. C'est quoi la question, Gérard? Alors, pensez-vous que le pensez-vous que le célibat peut exister partout? Alors, Céline. Le célibat peut exister partout? J'en sais rien. Comment je peux répondre? Oui, qui? C'est Olivia, mon chou. Vas-y, Olivia, je t'écoute. Moi, je veux dire que le célibat, c'est mondial, hein, Gérard. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est partout dans le monde. Il y a des célibataires aux quatre coins du monde, si tu veux. Mais là, dans les terres. Donc, que ce soit... c'est partout. Même pour les animaux, j'ai l'impression que ça existe, les célibataires. Ouais, d'accord. Ouais, mais... Non, mais on parle pas des animaux pour l'instant. C'est Vanilla, moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Vanilla. Le célibat, c'est universel. Ouais. De toute façon, voilà. Ouais, là c'est Fabio, je suis d'accord avec tout le monde. Ouais. Le célibat, c'est interplanétaire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Même dans la guerre des étoiles, il y avait des célibataires. Bien sûr, regarde la princesse Leia. Ouais, évidemment. Céline. Dark Vador est célibataire. Oui. Ah bon? Céline, s'il te plaît. Céline. Oui. Tu travailles? Oui. Parce que tout à l'heure, tu es allé au standard, tu vois, ça va faire tout drôle. Question. J'ai pas l'habitude de virer des nanas, mais si vous commencez à dormir, les trois nanas que j'ai, vous allez retourner au standard, ça va aller vite fait. Ça va jarter. T'as vu, on a perdu 10 secondes. Alors, Céline, vas-y. Eh ben oui, je t'ai dit, c'est interplanétaire. C'est partout, tout le monde, partout. C'est autour de nous. C'est pas une culture spécifique, c'est tout le monde, c'est propre à l'être humain. Moi je t'ai dit, que c'était interplanétaire et tout, voilà. Jérôme. Okay, c'est international. International. Jérôme. Je viens de répondre, c'est international. Non, c'est Christophe qui vient de répondre ça. Christophe. Ouais, c'est intergalactique. Il y a Maud sur Mita qui dit que c'est partout. Allô? Il y a Maud sur Mita qui dit que c'est partout, même sous le pont de l'Allemagne avec la princesse Diana. C'est abusé ça. Merci pour le retour du son. D'ailleurs, il paraît que le chauffeur il avait bu du Beaujolais avant. Vas-y Olivier. Continue-moi. La question suivante. J'ai rien. Il y a l'écho. J'entends personne. Je suis tranquille. Ouais, vous avez Dark Vador à l'antenne. J'entends rien. Ah, ça y est, ça commence les problèmes techniques. Et Gérard, la question suivante. On ne peut pas grand-chose, malheureusement. Oui. Tu peux pas grand-chose, moi. La porte avec moi, Dark Gérard. Ça va prendre un picot les yeux du Beaujolais avant de faire l'émission. Tous pétés. Alors, pourquoi c'est moi qui ai pété. Célibataire. Bon, ben maintenant, tu me mets deux voix. Oh là là. Oui, il y a des coups, là. Mais non, c'est pas trop, c'est trop. C'est incroyable, ça. Ils boivent à l'antenne. Ils appellent une cave, là. Bon, allez, on va mettre un disque. Pose la question, la d'abord. Pose la question. Pourquoi il y a tant de personnes célibataires et on va écouter un disque... Une poupée gonflable avec, je sais pas quoi, je sais même pas ce qu'il me dit. Mais Gérard, tu sais pas lire ou quoi? T'as vu du Beaujolais? Lis ce qui est marqué. C'est quoi, c'est une rostine, Mais non, déjà, donne l'artiste. Bon, c'est ma poupée gonflable, c'est ça? Voilà, avec le titre, c'est? Avec une rostine, elle pue. Voilà, c'est ça? Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Tous les jeudis sur Fun Radio, dans le Star System. Les débats de Gérard. Et voilà, donc, voilà, jusqu'au bout, vous avez entendu jusqu'au bout, donc c'était un jingle, donc on continue les débats. Non, mais c'était quoi la chanson, sinon, parce que quand même pour les éditeurs. C'était... Avec Tu me la tiens. Non, mais attends, je crois que je viens de vous dire quelque chose à l'instant, pendant que le disque passait. Donc, vous essayez de vous calmer, parce que sinon, ça va aller vite. Hein. À 1h35, je peux prendre d'autres personnes que vous. Hein. D'accord, on se calme, Gérard. Ok. Il est 1h35-10, donc c'est bien, vous pouvez rester. Donc, c'était ma poupée gonflable avec une rustine LP. Voilà. C'est vrai? Donc... Et la maison de disques, c'est quoi? Non, mais la maison... C'est bien. On va chercher. Hein. On va l'acheter demain. C'est bon, bien. Alors, donc, j'espère que vous avez pu réagir à la... Vous avez pu... voir la cinquième question. Bah, je suis d'accord, moi. Justement. Attends, mais Olivier joue avec les boutons, là. La femme, c'est avec toi. Vas-y, Dark Vador, ouais. Pose ta question. Elle pose ta question. Mais je vais. La question, elle est posée. C'est ça, tu vas pas t'amuser avec ça. Mais il y a des forces. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de choses qui se passent. Olive. Vas-y, allume ton épée. Mais j'y suis pour rien. Mais j'y suis pour rien. Gérard, attends, tu satures. Ouais, tu satures, c'est toi. Gérard, on attend des questions. Regarde là un coup, là. Faut que je règle le niveau. Non, pourquoi tu. Articule, Gérard, on n'entend rien. Non, tu peux rien. C'est vrai. Qui a fait rentrer Jean-Pierre Mariel dans le studio, là? Jean-Pierre Mariel, tu sors. Enlève ton verre de ta bouche. Pourquoi tu attends de personne célibataire? Oh, les gars, s'il te plaît. On t'a reconnu, carrément. Tu satures. Bon, GG, ça va un peu, hein. Le Beaujolais, ça attaque le larynx. Bon, alors, pourquoi qu'il y a tant de personnes, célibataires? Vanina. C'était la question que j'ai posée Vanina avant la pause. Alors, Vanina, je t'écoute. Je trouve qu'il n'y a pas tant de célibataires que ça, hein. Mm-hmm. Je ne vois pas trop ce que tu veux dire, parce que moi, toutes les personnes que je connais sont mariées ou, tu vois, en couple, ou ont des copains ou des copines. Donc, mm-hmm. Je suis pas d'accord. Non, mais il y a... Non. Non, mais attends, Vanina. Je coupe la parole. Moi, je vais te dire une chose, qu'il y a quand même, pas mal de célibataires. Ouais, mais pas tant que ça, quand même. Non, parce que j'ai pas les sondages, là, apparemment, au standard. Gérard? Ouais, Gérard? Olivier les a, les sondages. Ouais, non, mais ça, c'est, à mon avis, c'est encore des conneries. Non, l'AFP nous les a fait. Ouais, l'AFP, c'est ça. Bien sûr, toi, mais les journalistes de fun, nous a trouvé des faits divers. C'est surtout un message de fil d'art, en mystène. Est-il vrai que pour éviter le célibat, tu as accepté que Christine le sodomise avec un vibromasseur dans les toilettes de la loco? Donc, je réponds même pas à ces questions, hein. Comme ça, ça va être... Pourquoi tu réponds jamais? Parce que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Non, mais je sais pas, il y a une question Minitel... Oui, mais la question Minitel, en parlant des chiottes de la loco et de Christine, j'en ai rien à foutre. Mais attends, c'est toute l'histoire de ta vie. Ok, non. Alors, dans ce cas-là, celui qui vient de dire ça, tu vas retourner au standard, ça va être juste pour toi. Je vais le calmer. Non, alors tu me l'as choisi, tu le préviens tout de suite. Au hasard. Hein? Céline. Oui. Donc pour toi. Pourquoi il y a tant de célibataires? Mm-hmm. Ça dépend en fait, ça dépend du moment de ta vie, quoi. Quand t'es jeune, t'es célibataire, et puis après, je sais pas, tu peux sortir avec un mec, et puis ça écume, tu redeviens célibataire, ça dépend, mm-hmm. quoi. C'est quand tu vas ressortir avec un mec et après être de nouveau célibataire, oui. Voilà. Oui. C'est le cycle infernel de la vie. Par contre, celui qui a la radio, s'il vous plaît, vous la laissez baisser parce que j'ai un Larsen, mais alors c'est... Larsen, toi? Je viens d'avoir un Larsen dans les oreilles, c'est pas agréable du tout. À quelle heure dans le café? Alors, Olivia. Oui. Donc, pour toi. Alors, mon petit lapin... Le Larsen, s'il vous plaît. C'est qui? Ah, c'est pas moi, c'est pas monsieur. Ah non, mais... Oh, le Larsen, là! C'est qui, Larsen? Non, mais je voudrais bien savoir qui c'est qui a une radio Larsen, derrière. Non. Ou si c'est quelqu'un avec un portable, c'est même pas la peine, hein. Non, c'est moi, excuse-moi. Il n'y a pas de portable? Alors, préviens le second... J'ai envie de chercher qui c'est, genre. Là, c'est désagréable, hein. Faut dire pardon. Donc, alors, Olivia, pour toi? On va essayer d'activer, là, il est 1h40. C'est Gérard quand même que dans les sondages. Ouais, bah attends, fais voir les sondages, je vais dire moi-même. Non. Bah attends, il y a 98% de célibataires dans les camionneurs et les civistes. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que même il y a des camionneurs qui sont mariés. Il y a deux. Non, mais attends, les civistes. Ça, je vois pas le rapport entre les camionneurs et les civistes. Non, mais ça, c'est des conneries. Allez, hop, ça, c'est vos conneries. Alors, je te répondrai pas, d'accord. Vas-y, Olivia, vas-y. Il y a 80% des verres de mouche. Non, mais c'est bon. T'arrêtes avec tes conneries parce que tout à l'heure, je vais attraper ça et je vais foutre à la poubelle. Ah, bah oui. Olivia. Oui, Gérard. Là, je vous préviens d'une chose. Allô? Oui, Gérard. Olivia. Oui, Gérard, je réponds. T'as levé des mouches, toi? C'est bon, Oh, c'est bon. Bon, allez, tu me viens les trois, là. Hop. Bonne nuit pour ces trois-là, ça leur apprendra à être poli avec moi. Olivia, continue. Oui, ben moi, je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de célibataires. Hein. Ça touche toutes les tranches d'âge. Et j'en reviens toujours au même point, c'est que on trouve pas la chaussure à son pied. Ouais, mais de manière trouver la chaussure à son pied, c'est bien, mais quand mais tu prends... C'est difficile, Gérard, c'est très difficile. Non, mais moi je suis pas difficile de manière. Hein. Si, il semblerait quand même qu'il y a un manque en 43, les Français disent. Ouais, bon, j'en ai rien à foutre de ton sondage, d'accord? Ok, donc moi je réponds donc à la question. Le célibat, cette manière, c'est pas nous qui choisissons, c'est quand même vous les nanas aussi, quand vous nous posez des lapins. Oui. Est-ce que tu penses que c'est parce que t'as été routier que t'es célibataire? De toute manière, il y a des routiers qui sont mariés, hein, et qui font de la route et qui ont pas la chance de rentrer tout le temps chez eux. Et qui sont, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont mariés. Il y en a qui sont cocus aussi. Gérard, ouais. Gérard. Là, tu me le calmes, tu lui demandes qu'il reste poli. Gérard, est-ce que je peux répondre, okay, Christophe? Hein? Il y a quand même pas mal de routiers qui nous écoutent. Il y a un habitant de Turin qui a déclaré: moi je préfère rester célibataire et aller voir des putes de temps en temps plutôt que de me marier avec Carole. On se demande si c'est la plus avec Claire, on le comprend. Méchant. La pauvre Carole. Gérard. Oui. Gérard, c'est Olivia. Oui. Je vais te dire que moi, d'après un sondage, il est dit que c'est vrai que les chauffeurs routiers, ce sont les hommes les plus séduisants de la Terre. Ça, c'est vrai. Alors là, je vais dire une chose, que je sais pas où t'as été chercher ce sondage. Attendez, il y a une question Minitel. C'est quoi la question Minitel, comme tu te marres comme un pourri? Ah, vas-y, en voilà. Il y a Marvin. Allez. Attends, est-il vrai que ce n'est pas une moustache que Gérard a au-dessus de la bouche, mais des poils de cul qui la beauté qui sont restés collés? N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, celui-là. Bon, Olivia, tu disais. Oui, bah ça, c'est juste dans une revue féminine. Hein. Il était dit que les routiers étaient les hommes les plus séduisants de la Terre. Je voudrais savoir, est-ce que tu confirmes ou pas? Dans quel pays aussi? Comment? Dans quel pays? En Albanie profonde. Non, de toute manière, c'est pas la peine d'essayer de chercher dans quel pays, parce que de toute manière... mondial, hein, intergalactique. Hein. Ah ouais, c'est mondial. Alors, est-ce que tu confirmes ou pas, Gérard? Je confirme, ça dépend déjà... Ça dépend de la personne. Ben on dit qu'ils ressemblent à... Non, je t'explique un peu, il y a Gérard qui va donner un coup de pied au caméraman. Je te dis, tu fais gaffe. T'as pas l'alligator, Gérard. L'alligator était là, tu fais gaffe, tu vas pas sous le... Non, tu dégages. L'alligator, elle a perdu tout ses dents, là. Ok, point final à la ligne. Là, tu vas pas me faire... Je t'ai prévenu lundi. Ok, point final à la ligne. D'accord, on a compris. Ouais, c'est pas nul lundi. C'est Vanina. Je pense, Gérard, que si on élisait un Mister Routier, t'aurais vachement de chance d'être élu. Hein. Bah surtout en célibataire. Hein. Pas ouais. De toute manière, c'est pas parce que les routiers sont célibataires ou sont mariés ou qui vivent en concubinage. De manière, les trois quarts du temps, il y en a qui rentrent pas tout le temps chez eux toutes les semaines. Mais il y a quand même 1% des célibataires qui déclarent se masturber dans les toilettes de la loco. Alors ça, ton con, tout à l'heure, je vais t'attraper, je vais te le déchirer. Que de la gueule. Gérard, ouais, c'est Christophe, est-ce que je peux répondre? Oui, c'est qui? Christophe. Vas-y, Christophe. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de célibataires parce qu'il n'y a pas assez de couples. Donne-le. Vous allez faire le con, là. Merci d'écouter, je parle dans le vide, ça fait plaisir. Je t'écoute. Bon, je t'écoute, allez. Après, on passe à la sixième. Excuse-moi, je pense qu'il y a beaucoup de célibataires parce qu'il n'y a pas assez de couples et qu'on ne trouve pas, comme disait, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, qu'on ne trouve pas tout le temps chaussures à son pied. Ouais, c'est moi, c'est vrai. Ouais, ben voilà. Ok. Ça fait Gérard, parce qu'il n'y a pas répondu. Oui. Mais donnez vos noms. C'est Fabio. Bah écoute, moi c'est vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de célibataires parce que moi, quand j'étais dans les clubs de rencontres, j'ai vu que ça. De toute manière, il y a des clubs de rencontres pour célibataires. Hein. Bah, ça, ouais. Je suis désolé. Avant, ça existe. Ah oui, hein. Il y a moins de clubs de rencontres pour les mariés, déjà. Je suis contre. Pourquoi t'es contre? Qui est contre? C'est Olivia, Gérard. Hmm? Pourquoi t'es contre? Je suis tout à fait contre les clubs de rencontres. Parce que généralement, on trouve que des frustrés, des moches, des fous. C'est des fous, des fous, quoi. Hmm? Ouais, mais de toute manière, c'est pas sûr qu'après t'aboutisses à quelque chose avec la personne, hein. Tu t'es déjà inscrit, Gérard? Non, non, c'est pas bien celui qui s'amuse à dire ça tout à l'heure, tu vas voir où tu vas te retrouver, toi. Pour l'instant, je vous ai pas encore viré, mais là, si ça continue, je vais peut-être en virer, parce que là, ça commence à être... Une petite annonce, jeune homme, amorphe. Allez, hop. C'est Gérard. Celui-là, je veux plus le savoir, je veux pas savoir celui qui vient de dire ça, tu me le gères, ce coup-là. Allez, hop, ok. Terminé pour lui, ça y apprendra. J'avais prévenu tout à l'heure, pendant la pause... J'avais dit qu'on reste poli. Là, il a voulu jouer au con. Allez, hop. Mais si on fait pour si tu me dis pas qui c'est, moi, je peux pas le dire, Gérard. Je sais pas qui c'est non plus. J'essaie de savoir lequel qui a été dire ça. Question suivante, Gérard, allons. Est-ce qu'on peut revenir? Question suivante, Gérard. Alors, sixième. Est-ce que le célibat ne vous donne pas ou plus de stress? De quoi? De stress. De quoi? Alors, Jérôme, dans le rôle de monsieur, moi j'en suis tous les matins. Bon, et Olivier, où t'arrêtes tes conneries, où tu vires tout le monde. Et j'arrête là. Non. Bah, on n'a rien fait, non. Alors, c'est simple. J'ai rien fait, Gérard. Ouais, bah alors tu te calmes avec ce bordel. Quel bordel? Gérard, nous sommes des autres. Donc, tu as posé ta question. Zéra. Est-ce que le célibat vous provoque des stress? Voilà. Alors, allez-y, répondez. Alors, Jérôme. Le célibat me provoque des stress. Bon allez, hop, Jérôme, tu m'as... Attends, mais attends, mais tu ne veux pas répondre. Non. Tu ne veux pas répondre. Bonne nuit. Il y a des problèmes techniques. Allez, hop. Tu me le dis, il n'y a pas de problème technique chez moi. Christophe. Oui, le célibat est plutôt stressant. Attends, Christophe, tu me prends quelqu'un d'autre à la place de Jérôme, hein. Ok. Ok, une nana. Une nana. Oui, oui, bah arrête, Astérix, de crier comme ça. Le célibat est plutôt stressant parce que je pense que je vois quand on boit 3 cafés, bon, on est plutôt stressé. Si on n'a pas de femme, c'est un peu dur pour faire l'amour. Ouais. C'est stressant. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Et que je suis d'accord. Voilà. En fait, c'est surtout le soir que c'est stressant. Exactement, voilà, pourquoi quand on se tourne dans son lit et qu'on dit putain, merde. Ouais, il n'y a qu'un oreiller à côté. Voilà. Christophe, s'il te plaît, tu viens de dire un truc avec le café. Pourquoi, moi, je te pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi? Oui. Le café, ça stresse. Alors, je vais te dire parce que... Non, mais tu travailles parce que tu vas faire comme ça. D'accord, parce que, en fait, bon, tu vois, tu veux coucher avec une fille, mais comme t'es célibataire, tu peux pas coucher avec une fille. Donc tu dis forcément, merde, je peux pas coucher avec une fille. Donc forcément, quand t'es dans ton lit, tu te sens seul, parce que, bon, t'avais l'habitude auparavant d'avoir une fille à côté de toi, et puis, hop, tu fais amour et tout, elle me dit, bon, bah, voilà. Fabio. Ouais, bah écoute, moi c'est vrai que ça me provoque un certain stress et justement dans ces périodes de stress là, bah écoute, j'ai la main et le poignet qui me dérange pas. D'accord. Olivia. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le célibat provoque un certain stress. Mmh. Mais pourquoi? Bah parce que en fait, je sais pas, le soir quand on est seul, les draps sont froids, on est tout seul, on se fait un café tout seul, on a besoin d'accompagner. Ah, il y a du larsen. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, Gérard, oui. On accueille Carole. T'as la place? Bah à la place de Jérôme. Salut Carole. Carole, bon. Oh là là. La radio s'il vous plaît derrière, merci. Qui c'est qui a la radio? À mon avis, ça doit être Carole, parce que depuis qu'elle est arrivée... Non, c'est pas moi. J'espère que c'est pas un portable, hein. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Ça va? Salut, Carole. Salut. Donc, Carole, t'as entendu la question ou pour que je la repose? Non, peux le répéter, s'il te plaît, mon amour. Alors, est-ce que le célibat ne vous donne pas plus de stress? De stress? Yes. Non. Moi, oui, parce que je suis toute seule chez moi, je m'ennuie, donc je stresse, je travaille, donc je stresse. Mmh. Et puis, c'est pour ça que le vendredi, je vais m'amuser, quoi. Mmh. D'accord. Ouais, Vanina. Gérard. Oui, 5 minutes, Carole. Oui, Carole. Vanina, j'écoute ta question tout de suite après. Hein. Ah, ok. Bon, est-ce que tu as une sœur, Gérard? Hein? Est-ce que tu as une sœur? Non. Un frère? Non plus. T'as pas une sœur qui s'appelle Christine? Non. Merci pour cette question-là. Non, mais je voulais savoir si t'avais un frère, chérie. Non plus. Ah, d'accord, excuse-moi alors. Vanina. Ouais, moi je vais dire que le célibat, je le vis hyper bien. J'ai vachement... Non, mais Vanina, tu dégages. Allez hop, Vanina, tu me la dégages. Elle est partie. Vanina, elle a d'autres personnes derrière elle, c'est même pas elle qui répond, c'est ses copines. Mais... Tu dégages une fille? Oui, ah non, mais attends. Céline, s'il te plaît, tu réponds. Moi, ça me stresse pas du tout, au contraire. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui me stresse, quoi. Je préfère être toute seule. Hein. Ouais, mais de toute manière, tu dis, c'est la présence de quelqu'un qui te stresse. Oui. Donc, si tu rencontres quelqu'un un jour dans ta vie, ça va être cette personne-là qui va te stresser. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui. Parce que la présence des gens me stresse. Tu n'aimes pas être touché, dis-moi. Je n'aime pas être quoi? Touché. Si, j'aime beaucoup. Non, mais attends, pour l'instant. Mais toute seule? Oui, toute seule. On a que Cindy à la place de Vanilla. Bonsoir Cindy. Bonsoir Bérin. Bonsoir tout le monde. Oh la radio, s'il vous plaît, derrière, je vais pas le redire encore une fois parce que tout à l'heure ça va se terminer au vinaigre. La radio! Calme-toi, Gérard. Calme-toi. Oh, ouais, tu me prends tout le monde là. Gérard? Oh, c'est impossible ce Larsen. Salut! Ça y est, c'est impossible. Y a plus personne sur l'antenne là. Salut, réveille-toi! Ça y est? Alors tu me l'as remis si j'entends un Larsen qu'on met un disque. Ok, on y va. Céline. Oui, Céline. Cindy, attends, Cindy, elle n'a pas répondu à la question. C'est gentil, tu pourrais me laisser finir. C'est qui qui parle comme ça? C'est Céline. Bon, alors Céline, vas-y. Bah, merci. Je disais donc que la présence des gens me stressait, mais ça ne voulait pas dire que j'étais célibataire. Moi, je préfère être seule et sortir avec un mec, le voir pour coucher, sortir, mais pas l'avoir tout le temps dans les pattes chez moi, quoi. Bah, tu peux le faire si... Non, mais alors, attends, Céline, moi, je vais te dire tout de suite, je vais te répondre là à ta question. Oui. Dans ce cas-là, tu ne trouveras jamais, t'arriveras jamais à fonder une famille comme ça. Ah oui, non, mais ça, c'est dans l'immédiat, mais je n'ai pas envie de fonder une famille. T'as quel âge, Cindy? 24 ans. C'est Céline, 24 ans. C'est un couple libéré que tu veux. Comment? C'est un couple libéré. Ouais, à mon âge. Ouais, pas forcément, mais bon, pour l'instant. Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu veux? Moi, pour l'instant, quand il y en a un qui arrêtera de jouer avec les boutons derrière, il me fera signe. C'est pas grave, réponds. Gérard, je suis là. Arrête, Fielder, s'il te plaît. Arrête de jouer avec les boutons derrière. Ok, j'arrête. Donc, moi, de toute manière, faut bien arriver à trouver, à fonder une famille, parce que c'est pas en restant seul. Mais tu l'as déjà fondé, ta famille. T'as des enfants, Gérard? Oh. Est-ce que t'as des enfants, Gérard? Arrête, remets le truc. Oh, merci. Gérard, t'es toujours là? Allô, Gérard. Pour la famille, c'était quoi? Donc, moi, je préfère trouver quelqu'un puis fonder une famille, parce que de toute manière, c'est pas en restant seul qu'on pourra fonder une famille. Et est-ce que tu as encore des enfants? Moi, je t'ai pas dit. Je réponds. Il y a quelqu'un. Laissez parler Gérard là. Hein. Est-ce que t'as des enfants? Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Alors là je vous réponds. Donc malgré que il y a soi-disant un dénommé Gérard qui serait passé lundi, qui serait. Le fond. Fait passer. C'est dans les chats là. Pour moi. Moi je pense que c'était le vrai. Non, mais celui que vous avez eu à l'antenne lundi, c'était le faux, parce que le vrai c'est moi, d'accord? D'accord, donc, je ne vais pas vous répondre sur mes questions. L'imposteur est beaucoup plus large. Oui. Olivia. Oui, Olivia. Je vais te dire un truc. Oui. Ta gueule. De manière. Entre Christophe et Fabio, tu cherches à savoir qui c'est qui a été dire ta gueule, il dégage. C'est pas moi. Olivia, tu répètes la question. Oui, moi je vais te dire à propos du stress justement. Je pense que les gens stressés, ça peut être les célibataires ou ceux qui sont en couple. Exactement. Parce que je vais donner par exemple un exemple pour les couples. Quand t'attends le coup de fil de ton petit ami, t'es stressé sur le téléphone. Mmh. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi là, parce que moi à chaque fois que j'attends un coup de fil, mais de ton petit ami, toi t'es jamais stressé en fait. Si je vais dire une chose qu'on me promet de me téléphoner puis qu'on ne fait pas, ce qu'Olivia disait c'était que t'étais stressé quand t'as arrivé le coup de téléphone de ton petit ami, mais toi t'es jamais stressé en fait. Non, mais même que ça soit. T'es jamais stressé que ton petit ami t'appelle. T'as jamais de petit ami. Non, mais de toute manière, je couche pas avec un mec, je couche avec que des nanas. On a compris, un petit ami, c'est un mec. Dégage-moi ta merde, là, s'il te plaît. Donc, Gérard, tu es hétéro. Mais Gérard, c'est Cindy. Mais non, et oui, Cindy. Tu voulais savoir Cindy, si, ça, oui. Si ça te plairait, Gérard, t'as de l'expérience. Radio. Tatou, Gérard, là. Je calme tout le monde. Tatou. Aucune fille puisse rester célibataire avec quelqu'un. Et c'est la question. Attends, avant le 10, rappelle les numéros de téléphone. Donc 0800 5000. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes avec les doubles sons, merci. Donc, le numéro de téléphone. Le 0800 085 000. Bon, Max, s'il te plaît. Tu vois, là, parce qu'il s'amuse avec les boutons, là, j'en ai marre. J'ai deux sons quand j'annonce les numéros de téléphone. Hein? Donc, les numéros de téléphone sont 0800 75 000 et 0800 308 5000 et 3615. Fun TV, rubrique direct, 1.29 la minute. Et pour les Belges, 0331 47 99 5000. Malgré que il y a certains Belges qui m'ont dit qu'on n'arrivait pas à nous joindre facilement, je suis désolé, c'est le standard qui décide. Donc pour les Belges, essayez de nous appeler. Il y aura pas de problème. Merci. J'ai rien fait. Si, c'est pour rien, moi. Alors, c'est le foot. Hey, c'est toi. C'est le petit poussé se balade avec des hémorroïdes. Voilà le type du lit. Et voilà, donc, vous venez d'écouter le petit poussé balade avec des hémorroïdes. Alors, je voulais vous annoncer, juste avant qu'on reprenne la suite des débats, que le 2 décembre, dans moins de deux semaines, vous allez avoir le droit de réponse de Françoise et Gérard, comme, comme on a l'habitude. Donc vous allez pouvoir nous appeler dès qu'on vous donnera l'autorisation, c'est-à-dire Max vous donnera le feu vert pour le 2. Donc vous pourrez appeler et nous poser toutes les questions que vous voudrez. Ah, voilà une bonne nouvelle, Gérard. Mais... Est-ce qu'on peut poser déjà une question à l'avance, là? Alors, Gérard, est-ce qu'il faut venir à ta place? Alors, attendez. Qui c'est qui veut poser déjà la première question? Olivia, c'est Olivia. Alors, Olivia... Bon, déjà, tu me le calmes, celui qui s'amuse à faire l'amour, là. Mais Gérard, ça va aller vite. Là, ça va être vite payé, il est 2h. Il est exactement 2h01. Oui. Là, vous allez la fermer, parce que là, c'est pas le thème du débat. D'accord. Bon, alors, Olivia. Attends, avant que tu poses la question à Olivia, on accueille Eddy, qui est un Belge. Il a appelé sur le numéro que tu as donné tout à l'heure. À la place de personne. Alors, Eddy, bonsoir. Salut, Eddy. Bonsoir, Eddy. Là, j'ai réussi à vous appeler, mais avec le numéro qu'a donné Gérard, j'ai eu un peu de mal. Hein. Mm-hmm. À tâtons, j'ai trouvé. Hein. Bah, ça y est, ça va raconter ta vie. Hein. Non, c'est bon, tu te calmes, là, ma chérie, là, qui s'énerve comme ça. Mais on est étrangers et on a du mal à s'insérer. Ouais, non, mais. Bon, alors, Olivia, tu voulais me poser une question oui, déjà mon petit chou, je voulais savoir, est-ce que tu peux me répondre à une question en exclusivité? Vas-y, alors, attendez, je vais déjà répondre à une question là, mais je répondrai pas aux autres questions si c'est pour le débat avec Françoise. Hein. Oh, mais d'accord. Alors, vas-y, dépêche-toi. Je veux savoir, est-ce que vous avez une liaison? De quoi? Est-ce qu'entre toi et Françoise, il y a eu une liaison? Non. Voilà. Donc, la suite du débat. Oui. Ouais. Donc, je rappelle quand même les numéros de téléphone, donc 0800 308 5000 et 0800 75 000, et pour les Belges, 0331 47 99 5000. 3615, code, Fun Radio, rubrique, direct, 1.29 la minute. C'est rare. Olivier, s'il te plaît, tu me baisses le double son. Gérard, tu peux poser ta question, s'il te plaît? Oui, donc pensez-vous qu'une fille puisse rester célibataire avec quelqu'un? Oui. Ben, Gérard... C'est une question très intéressante. Gérard, c'est... Larsen, s'il vous plaît, merci. Ricky Larsen. Gérard. Oui. Ta question... Larsen, non. Gérard. Oui. C'est Carole. Oui, Carole. Tu peux rester la question, s'il te plaît, parce qu'il y a Larsen. Il a eu Larsen, là. Ouais, il y a Larsen. Là, il y a du Larsen, c'est impossible. Vas-y, recommence ta question. Impossible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la... Allez. Oh, ça commence à bien faire, hein. Comprends. Gérard. Pensez-vous qu'une fille puisse rester célibataire avec quelqu'un? Gérard, la question est compréhensible. Gérard, c'est Carole. Oui, Carole. Mais tu peux pas rester célibataire en vivant avec quelqu'un. Bien sûr que si. Ouais. Non. C'est évident. Non, mais attendez, parce que là, je vois pas le rapport. Donc, pas rapport. Non. Là, je me suis planté dans cette question. Excusez-moi. Ah non, elle est bien ta question. Non, mais elle est bien ta question. Non, mais non. Non, on peut pas. Je pense pas. Je pense pas. pas qu'une fille puisse rester célibataire si elle vient avec quelqu'un. Oui, regarde, moi je suis célibataire et pourtant je suis avec quelqu'un. Moi, non, regarde, je réponds. Non, je vois pas. Gérard, je vois pas, moi je suis célibataire, pas, mais je vis dans un oui, sport. Attendez, ça moi, je ne comprends plus ce qui se passe. Attendez. Christian s'est raccroché. Il est parti se coucher et on accueille Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut Gérard, j'en viens. Moi, je vous mets bonsoir tout le monde. D'accord, Gérard. Ouais, ben, tu vas me mettre ça. Bon, Gérard, tu reprends le débat. Carole. Ouais, donc moi je peux te dire que quand j'étais étudiante, je vivais j'étais célibataire, mais je vivais dans un appartement d'étudiant, donc t'es en couple forcément. Donc elle est bonne ta question. Non mais attends parce que. Gérard, je veux dire. Non mais attends Carole. Tu veux que je répète Attends, Carole. Quand j'étais célibataire. Non, attends, Carole. Moi, je vais te dire une chose. Je connais des gens qui vivent, qui font des études, qui sont dans des internats et à l'heure actuelle, ils sont deux par chambre. Ouais, mais ils sont deux, mais c'est. Mais c'est pas si c'est un couple puisque si c'est deux filles, c'est des copines, donc en fait, elles sont comme en couple, quoi. Tu comprends? Donc elle est bonne ta question. Sinon, ok. Gérard. Oui, c'est qui? Olivia. Oui, Olivia. Tu peux poser la question suivante parce que j'ai du mal à répondre à cette question. Ah non, mais tu réponds, s'il te plaît. Non, mais attends, Olivia, la question non, mais, de Gérard, Olivier, de bon sens. Olivier, si t'as entendu la réponse de Carole et la mienne, donc tu peux être capable de répondre. Exactement. Sinon, si tu veux pas répondre, Olivia, si tu veux pas répondre à cette question-là, tu vas faire comme... Ah non, Gérard, non. Vanina. Non, Gérard, vas-y, Olivia, réponds. Alors je vais répondre, Gérard. Alors, dépêche-toi. Je suis du même avis que Carole, voilà. D'accord. Alors, Céline, parce que Céline, pour l'instant, t'entends pas beaucoup, toi. Bah, si, moi, j'écoute, hein, je participe. Ouais, pardon, tu participes, mais tu réponds pas beaucoup, alors je voudrais que tu répondes un peu plus. C'est de participer. Allô, c'est Eddy à l'appareil. Oui, Eddy. Bah, attends, Eddy. J'ai un temps de décalage avec la Belgique, je vous entends à peu près 2 secondes après. Oui. C'est pas grave. Tu peux pas répondre. Attends, dans ces cas-là, attends, Eddy. Eddy. Oui, je t'écoute. Je te vire pas. Tu vas voir ça avec Manu parce que là, je pense qu'il y a un problème. Non, c'est le satellite. C'est le satellite. Non, mais c'est. Voilà, c'est pas. Ah bon, c'est bizarre. Il faut un satellite pour aller en Belgique, toi. Ah ouais, ça passe par le satellite. Ah ouais, c'est par satellite, c'est normal. C'est pour le son numérique, Gérard. Ouais, exactement, c'est pour TPS. Céline, t'as répondu. Cindy. Oui, non, moi j'ai pas répondu, c'est gentil. Ouais, ben, je te donne la parole maintenant. C'est ma chérie. Hein. Oui, ben, moi, en fait, je suis célibataire, mais je suis avec quelqu'un, donc ça se passe très bien. Je vais toute seule et j'ai un mec, voilà. Ah, bah, c'est cool. C'est très bien. Ouais, mais, attends, là, je vois. Alors, attends, tu me dis que t'es célibataire et que tu vis avec quelqu'un et que ça se passe très bien. Elle vit toute seule chez elle, elle est célibataire, mais elle est en couple, parce qu'elle a un mec avec quelqu'un. Ouais, tu le vois combien de fois par semaine, lui? C'est pas la question, je le vois tous les jours, mais... Ouais, bon, ouais, d'accord, c'est pas la question. Gérard, c'est à mon tour de répondre, là. Ouais, Fabio. Ouais, donc, moi, je suis d'accord avec Céline, hein. Moi, j'ai exactement la même situation qu'elle, et je comprends tout à fait, donc, ce qui provoque son émoi, quoi, tout simplement. Ça va, chérie? Qui c'est qui parle comme ça, là? C'est Céline. Bah, Céline, tu vois... C'est pas sympa. Allez, suivant. Gérard, oui. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'on n'entend pas Jean-Philippe? Ben justement, je lui donne la parole là maintenant. Ah d'accord. Jean-Philippe. Donc moi je suis célibataire. Mmh. Oui. Et c'est un peu comme Céline, ça se passe pas bien. Mmh. J'ai un appartement. Mmh. Et deux fois ma copine elle vient. Pour la sauter quoi. Donc, enfin écoutez mais pas du tout. Enfin je. Allez, à vous mon cœur. Tu me prends Jean-Philippe, là, c'est lui qui fait. Mais j'ai rien fait, Gérard. C'est la ligne de Belgique qui... C'est Belgique avec le satellite TPS. Non, il y a des taches solaires. Eddy. Oui, allô. Oui, j'ai 2 secondes de retard, alors... Voilà, je vais aussi répondre à la question. Vas-y. D'accord, j'y vais. Alors, moi, je suis pas vraiment dans le même cas. C'est-à-dire que on a vécu en couple avec un ami. Ah ouais, t'es homosexuel. Ça s'est terminé parce qu'il est parti travailler en Yougoslavie. Oui. Et pas bon. Maintenant, je suis célibataire, mais bien tout seul. Hein. Ouais, bon, Eddy, tu vas très bien. Attends, Eddy, je vais te dire un truc, tu vas le recevoir dans 2 secondes à peu près. Pas de problème. Eddy, je vais te dire un truc, tu vas le recevoir. Jean-Philippe, pour l'instant. Jean-Philippe, pour l'instant, tu t'écrases. Et toi, Gérard? Ta gueule. Ah non, ne reste pas. Jean-Philippe, dehors. Jean-Philippe Dehors, ça y apprendra d'être poli avec moi. Mais je crois qu'il voulait me poser une question. Non, non, il a été poli. Vous voulez surtout... Non, non, mais il a été poli, c'est tout. Ouais, terminé. Jean-Philippe Dehors. Bonjour, Jean-Philippe Dehors. Gérard. Huitième question. À quoi sert le célibataire dans notre pays ou dans les pays d'outre-mer? Alors, Céline. Pourquoi vous rigolez? Faire à travailler dans les champs, parce que bon, les célibataires n'ont pas de domicile fixe, n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille, ils n'en ont rien à foutre, donc ils voyagent. Et en général, c'est eux qui bossent dans les champs de coton, ou Thomas ramasse les pommes, ou le raisin, et puis... Ils montent dans les arbres et tout. Voilà, et puis... Moi, de coco, et puis voilà. Les célibataires dans les pays d'outre-mer, ils sont quand même vachement plus sympas, et Attendez, là, parce que tout le monde parle en même temps, je voudrais bien savoir. Quand vous voulez... Me parlez, donnez vos noms s'il vous plaît, parce que là je... C'était Cindy là qui disait. Cindy, ben justement, donc. Dans les pays d'outre-mer, oui. les célibataires donc sont plus sympas, même quand ils sont en couple. Et voilà. Ouais, mais moi je peux t'affirmer qu'ils sont vachement vicieux, quoi, parce qu'ils sont en couple et ils trompent leur femme et c'est pas normal. Hein. Olivia, Olivia, oui, Gérard. À toi, réponds. Tu peux répéter la question, Gérard, parce que je crois que le... À quoi sert le célibat dans notre pays ou dans les îles Outre-mer? J'ai toujours pas entendu, Gérard. Alors, dans les îles ou départements d'Outre-mer, si t'as pas compris, tu te dégoûtes tes oreilles, c'est comme le cul, ça sert. Bravo. Eh, vous vous calmez, parce que tout à l'heure, il y en a qui vont dégager. Ah, okay. Ça va vous faire comme Vanina. Continuez, je vais virer des nanas, je le sens. Gérard, moi je vais répondre à ta question. Non, pour l'instant, tu laisses Olivia répondre, s'il te plaît. Oui, c'est sympa. Oui, Gérard. Alors, tu réponds, s'il te plaît. Eh ben... Tout à l'heure, tu vas faire comme Vanina, toi, hein, si tu dors. Alors, réveille-toi, s'il te plaît. Gérard, pourquoi tu passes? Ben, alors, tu travailles. Vanina, elle comprend rien à la vie, c'est pour ça qu'elle s'est fait gérer. Et Olivia, c'est pareil. Non, ça va pas être mon cas, Gérard. Ça va être ton cas si tu continues, ma chérie. Gérard. Alors, dépêche-toi de répondre. Le célibat existe dans les pays d'outre-mer beaucoup plus qu'ici en France. Hein. N'importe quoi. Ok, non, mais cette manière, je vais vous répondre. Moi, je vous répondrai tout à l'heure. Fabio. Fabio. Ouais, c'est moi. Alors, réponds. Ouais, donc, le célibat en outre-mer, bon, écoute, je suis allé là-bas, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais. Parce que j'ai rencontré plein de célibataires. Ouais, 5 minutes, Fabio. 5 minutes, je te récupère aussitôt. Il y a Philippe, à la place de Jean-Philippe. Philippe. À la place de Jean-Philippe. Salut Philippe. Salut Philippe. Bonsoir tout le monde. Salut. C'est bizarre, on a déjà eu un Philippe. Bonsoir Olivier. Allez, c'est bonsoir, bon. Philippe. Donc, bonsoir Philippe. Donc, Fabio. Est-ce que tu penses que les célibataires... Je n'ai pas répondu à la Fabio. Question. Ouais, donc moi je disais que dans les pays d'outre-mer, les célibataires sont très sympas parce que j'ai eu la chance de les côtoyer. Mm-hmm. Donc dans les bars spécialisés. Quand en France, ils sont un petit peu plus durs, hein, surtout dans le milieu urbain. Mm-hmm. C'est quand même assez compliqué parce que moi je suis un petit peu lente, tu comprends quoi. Mm-hmm. Mais moi je conseille à tout le monde d'aller rencontrer donc les célibataires en outre-mer, d'aller passer des vacances avec eux, quoi. C'est vachement cool, quoi. Fabio, Philippe. Ouais. Est-ce que t'as déjà rencontré des célibataires dans l'espace? Eh bien écoute, ça m'est déjà arrivé, à la grande surprise de certaines personnes, mais bon, Philippe. Je vais rencontrer ça en rentrant. Oui, c'est Philippe, j'aimerais poser une question à... Non, mais pour l'instant, tu réponds à la question, tu poseras ta question si ça me fait plaisir. Ok, c'est toi, chef, mais moi, je viens d'arriver, est-ce que tu pourrais me... aurais-tu l'obligation de me répéter la question, s'il te plaît? Non, mais c'est vrai, je viens d'arriver. Non, mais je viens d'arriver. Tu lui reposes la question. Gérard, s'il te plaît, je viens d'arriver. J'étais au standard. Tu vas au standard. Le standard dit que je vais te dire. Tu lui demandes à quoi sert le... Eddie, vous devez répondre. À quoi sert le standard? 5 minutes, s'il vous plaît, derrière. À quoi sert dans le célibat dans notre pays ou les départements d'outre-mer? Oui, voilà, c'est Eddie qui vous répond. Tu lui poses la question au standard, donc. Tu lui poses la question à Sabruti, là, qui comprend. Eddie, vous devez répondre. Gérard? Allô, Gérard, c'est Eddie. Oui. Carole, je t'écoute. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, j'ai pas entendu avec toi. Oh non, mais Carole, s'il te plaît, là, tu... J'ai pas entendu, tout le monde fait du bruit. Moi, par contre, Eddie, malgré qu'il habite en Belgique, a entendu. Bon, Eddie, tu restes dans ton coin. Oh là là, s'il te plaît, Carole. Ah, c'est pas moi qui a parlé. Ah, excuse-moi, alors. Alors, voilà, moi, le célibat dans les hommes et les hommes, je ne sais pas trop, hein. En tout cas, en Belgique, il y a une espèce de petite comment rumeur, on peut appeler ça. Mmh. C'est-à-dire que le célibataire chez les routiers, paraît-il, dans les relais, hein, c'est lui qui se fait enculer. Hein. D'accord. Enfin, c'est bon, j'ai compris. Alors, je vais dire une chose. Eddie. Oui. Et tu restes quand même un petit peu poli parce que je te jure que. Alors, il paraît que le routier se fait donc sodomiser. Bon, allez, hop. Oh, monsieur Eddie. Ça m'a dit d'être un peu plus poli en. Eddie, tu dégages. Philippe. Oui. Donc, alors, à quoi sert, parce qu'on m'a posé la question, à quoi sert le célibat dans les dom-toms? Oui. Bah, je pense que c'est à peu près la même chose qu'en France. Ouais. Donc, ça sert. Enfin, je pense pas qu'il faudrait tourner la question comme ça. Le célibat, c'est un état, c'est un statut. Donc, ça sert à rien si tu veux. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Okay. Un statut de célibataire. Ouais. Non, et sur la place. Carole, s'il te plaît. Ouais, mais moi, je sais pas ce que c'est, les dom-toms. Les dom-toms, c'est des départements d'outre-mer. Mais c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Les départements d'outre-mer. Tu permets, Philippe, s'il te plaît, qu'on pose la question. C'est qui? Je sais pas. Mais c'est pas grave, c'est quoi, Gérard? Moi, je sais pas. Le département d'outre-mer, c'est la Martinique, la Guyane. D'accord. Tous les départements, Tahiti. On va prendre des choses avec toi, Gérard. L'île d'Oléron. Ouais, l'île d'Oléron, c'est en France. Alors, celui qui s'est mis à. L'Australie. Gérard, c'est Fabio. Tu as traduit Dom, mais moi, je sais pas ce que ça veut dire que Dom. Tom Sawyer. Et l'Indonésie, Fabio. Au Vietnam, s'il vous plaît, on a une question. Le Vietnam, c'est l'outre-mer? J'ai pas répondu. Alors, vas-y, Carole. L'Autriche, c'est l'outre-mer? Ouais, le Vietnam. Est-ce que la Russie, c'est l'outre-mer? Non. Carole, s'il te plaît, tu réponds à la question. D'accord, je réponds. Alors, moi, je dirais que ça sert à rien, ça existe pas, parce qu'en fait, dans les dom-toms, je pense que. Le Kenya? L'Algérie? Je pense que. Je pense qu'on reste jamais célibataire, puisqu'on couche toujours avec quelqu'un. Le Maine-et-Loire. S'il te plaît. Le Maine-et-Loire. L'Irlande. T'as compris, Gérard? La Corse. Gérard, t'as compris ce que j'ai dit? Oui, oui. Non, ma soeur, je suis d'accord avec moi? La Lune. Oui. D'accord. Pensez-vous qu'un jour, le célibataire disparaîtra? Oh oui, c'est vrai. Non, jamais. Jamais. Jamais, ça disparaître. Non. Si, il est voué à s'éteindre, c'est clair. Gérard, je peux répondre? C'est Olivia, mon petit chou. Ouais, je t'écoute, Olivia. J'aime pas trop ces mots d'amour. Pour l'instant, celle qui s'amuse à dire salope. On a pas dit salope. Je l'ai entendu. Donc, elle a dit faillotte. Ouais, ben même. C'est pareil. C'est pas un gros mot, faillotte. Non. Ouais, ben. On se rend compte qu'on a un gros mot, Gérard. Quelque chose dans les sondages, là. Non, j'en ai rien à foutre de ton sondage. J'en ai rien à foutre de ton sondage. 32% de ta gueule, c'est quoi, toi? 11% déclarent vouloir rester célibataire encore 2 ans, 3 jours et 6 heures avant de se marier. Non, ben, je vois pas le rapport avec moi. Tu t'es demandé s'il y avait beaucoup de... Non, j'en ai rien à faire. On parle de l'autre débat, Gérard. Bon. Du coup, on a un pas de Gérard. Pensez-vous qu'un jour, le célibat va disparaître? Gérard, donc, je réponds, Gérard. Céline. Oui. Je pense que oui, il va disparaître, c'est comme tout, quoi. C'est un truc en voie de disparition. C'est comme les singes en voie de disparition, Exactement. Comme un alligator en voie de disparition. Exactement. Voilà. Faire disparaître un alligator, ça va être vachement dur. Voilà, comme les routiers, c'est devenu. Moi, je voudrais répondre, Vera. Dégage-toi. Allez, Gérard, fouille ton coin. Oui, mon tendre Gérard. On se calme, s'il vous plaît, Olivia, je t'écoute maintenant. Mon petit Gérard, je vais te dire que le célibat va disparaître automatiquement un jour ou l'autre. Mm-hmm. C'est comme les dinosaures, hein. Exactement. Attendez. Et Gérard, c'est Carole. Oui, Carole. Moi, je peux te dire qu'elles disent n'importe quoi parce que le célibataire, il va jamais disparaître vu qu'on va faire des enfants et qu'ils vont grandir et qu'ils vont être célibataires. Alors, elles disent n'importe quoi. Mais non, de toute façon, quand il y aura plus d'hommes sur Terre, il n'y aura plus de célibat. Mais le célibataire, ça va être remplacé par les hermaphrodites, là. Moi, qui c'est qui parle là? C'est moi, c'est Philippe. Philippe, pour l'instant, tu me laisses répondre comme ouais, je à la question. D'accord. Et Cindy, elle voudrait répondre. Moi, je pense que. Alors, Cindy, tu m'écoutes? C'est qui? Cindy. Oui, Cindy. Je pense que quand il n'y aura plus de célibataires, enfin, quand il n'y en aura plus beaucoup, on les mettra dans une réserve. Oui, non, mais Cindy. Cindy. Ouais. Cindy. Bon, allez hop, tu me dégages, Philippe. Bonne nuit. Ah non, Gérard, pourquoi t'es méchant avec les filles, Gérard? Sois méchant avec les mecs, hein. Philippe, j'ai dit. Ouais, Gérard, je suis là. Pas dit Cindy. Ah, okay. Tu me dégages l'autre là, le Philippe du Sol. Toi, je me casse de fun, c'est ça? Pas toi, abruti. Ah, non, non, non, j'ai eu peur. Abruti. Tu me sens que tu lui es. Bonne nuit pour lui. Ça va être parti. On appellera. Et Gérard, tu réponds jamais aux questions. Toi. Donc, alors, Cindy. Ouais, on appellera ça. Cindy. Tu m'écoutes ça? Attendez, attendez. Je redonne les noms. Carole, Fabio, Olivia, bonsoir. Cindy et Céline. Oui, je vais répondre à la question qu'on vient de poser. Ouais. C'est moi qui l'ai posée. Oui. Pensez-vous qu'un jour le célibat va disparaître? Je peux vous dire une chose. Qu'à l'heure actuelle, le célibat n'est pas prêt de disparaître. Pourquoi? Parce que, vu qu'à l'heure actuelle, on fait des enfants, donc automatiquement, les enfants qui vont nous succéder seront célibataires aussi dans leur vie. Mais tu répètes tout ça, Gérard. Gérard. Ah oui. Bravo, Gérard, bravo. Mais Gérard, comment est-ce qu'un célibataire peut faire des enfants? Gérard, Cindy. Cindy, je viens de répondre à ta question. Mais comment est-ce qu'un célibataire peut faire des enfants? C'est simple, tu le clones comme dans Jurassic Park. Exactement. C'est bon. Ouais, c'est comment, vrai, comment, Fabio? Tu le clones. Bah oui. On va cloner le célibataire. Ouais, c'est vrai, hein, Gérard. Gérard, est-ce que le célibat, c'est comme la stérilité, c'est héréditaire? Qui c'est qui pose sa question? C'est Céline. Ouais, je peux pas te dire oui ou non maintenant, parce que, voilà. Bah, à ton avis, est-ce que le célibat, c'est comme la stérilité, c'est héréditaire? Ouais, j'ai compris. Dans sa famille, il faut célibataire de plus. Gérard, réfléchis un peu. Il y a des sondages qui ont été faits, ça a été prouvé. C'est facile à répondre. Ouais, mais c'est logique. Non, mais ça dépend, hein. Ouais. Ça dépend, ça dépasse. Je peux pas répondre. Ça dépend, ça dépasse. Pourquoi? Tu peux pas répondre, non, mais c'était juste une question. Parce que je sais pas. Et ton Dieu, Gérard. J'aurais bien aimé que tu m'expliques, quoi. Ouais, mais là, sur cette question, je peux pas te répondre, hein. Bah, Gérard, on va faire la conclusion. Déjà, Gérard. Oh, une question avant la conclusion. Il n'y a pas une autre question, Gérard? Si, si. Gérard, juste avant ta dernière question, on accueille Charlie. Salut, Charlie. Charlie, il est où, Lulu? Bonsoir, tout le monde. Salut, Charlie. Le rôle de dame. Lulu, il est couché. Alors, dernière question, pensez-vous que le célib, que la solitude... Ben non, ben non. La solitude. Pensez-vous, c'est ton amour, je t'écoute. Pensez-vous de la solitude en groupe? Donc, c'est pareil, c'est un rapport avec le célibat. Donc, vous répondez à cette dernière question. Moi, et Céline, après, je réponds. Hein. Céline, vas-y, je t'écoute. Moi, je vais dire ce qu'a dit un grand poète. Mm-hmm. Il vaut mieux avoir un oiseau dans sa main que d'avoir tiré sur une branche. Ah oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça résume. Ça veut dire quoi, Gérard? Ben, Cindy, Céline. Ah non, c'est toi. C'est non, toi. C'est toi, Gérard. C'est toi, j'ai compris. Bah, attends, tu permets, pour l'instant, je vais réfléchir un petit peu. Réfléchir, réponds à ton avis. Cindy veut bien t'expliquer, c'est un grand poète qui a dit ça. C'est Cindy, je veux bien t'expliquer, avec un autre proverbe qui dit que quand mes amis sont bornes, on les regarde de profil. C'est exactement ça. C'est-à-dire quoi, ça recoupe un peu ce que disait Céline. Qu'est-ce que tu en penses? Okay. En gros, Gérard, tu veux que je t'explique? Il vaut mieux être seul que mal accompagné, t'as compris? Ouais. Non, bah ça, je le dis assez souvent. Ok. C'est la même chose. D'accord, Gérard. Non, je le dis assez souvent, régulièrement, que pour mieux. La consultation. Ouais, mais pour mieux être seul que mal accompagné, ouais, et être seul, souvent, c'est pas évident. C'est vrai, hein. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie, et franchement, d'être j'ai mal seul à l'heure actuelle, je peux vous dire une chose, que c'est très dur à supporter. Ah, c'est vrai. Donc, Olivia. Gérard, excuse-moi, être seul et mal accompagné, ça serait quoi? Tu sais qui pose cette question? C'est Max. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être seul et mal accompagné? C'est fil d'art. Mon fil d'art, tu t'écrases. La réponse. Donc, de toute manière, pour mieux. Merci, Gérard, pour ta réponse. Voilà, bon, bah, mon fil d'art. C'est truqué, là, parce que tu réponds à toutes les questions par de toute manière. Olivia. Oui, il faut Gérard. Oui, Gérard. Je t'écoute. Eh ben, moi, j'ai la même chose, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. D'accord. Fabio. Ah bah écoute, moi je vais te dire un truc là qui... C'est la conclusion là? C'est la dixième question, après on fait la conclusion. Alors ma réponse c'est que bon, je pense personnellement qu'il vaut être seul plutôt que mal accompagné. Hein. D'accord, donc tu reviens par rapport à ce que disaient Olivia, Cindy et Céline. Bien accompagné. J'ai copié un peu, ouais. Donc Carole. Bah c'est moi qui l'a dit, hein. Ouais, bah, excuse-moi, un droit d'auteur quoi. Ok, donc c'est pareil. Et Charlie, pour qui? Oui, c'est Tony. Est-ce qu'on m'entend bien, là? Oui, ouais, on t'entend bien. Oui, oui, donc, en guise de conclusion, je vais te poser une question. On m'entend Charlie bien, là? Charlie! Gérard, est-ce que tu penses que si ta mère n'avait pas fait de fausse couche, t'aurais une... Ça, je vais te dire une chose, qu'on parle pas de ma famille. Donc, ma mère a un ton... Ouais, bravo, Gérard. Elle m'encule avec sa grosse bite. Allez, hop, dehors pour celui-là. Ah non, on parle pas de la famille de Gérard. Ça va, Voilà, terminé. Conclusion. Bon, alors, Céline, conclusion du premier débat. Eh ben, moi je trouve que le célibataire c'est bien. Je pense qu'on a bien débattu, qu'on a beaucoup éclairci la situation. Apparemment, alors Céline. Oui. Une question que même Céline, Cindy, Olivia, Fabio et Carole qui nous restent maintenant. Oui. Donc Carole, bon ben, t'as pas suivi toutes les questions. Bon, c'est pas grave, je suis. Ouais, mais t'as dû quand même écouter par. Bien sûr, je t'écoute tous les jours. Je pense que j'ai pu satisfaire à peu près tout le monde en répondant à peu près aux questions qu'on m'avait posées. Ouais, on est satisfait, ouais, ouais, ouais. Donc alors Céline, Céline, ta conclusion, je viens de voir un ballon de basket qui vient d'atterrir. J'ai manqué de le prendre sur la tronche. C'est l'alligator qui s'est pris, c'est pas grave. Un alligator de moi, ça fait 10 de perdu. Un de perdu, 10 de perdu. Vas-y, t'as battu. Non, les morts, c'est ça. Merci pour le ballon. Alors, c'est Céline, donc, conclusion pour toi, s'il te plaît. Eh ben, quand... Je te mets une barbe dans la gueule. Bon, alors Céline. Gérard, t'es censuré ce soir ou quoi? Céline. Ouais, c'est de la censure. Mais bon, Céline. Je t'ai répondu tout à l'heure. Là. Bon, non, mais la conclusion, Ça y est, ça fait. Cindy, conclusion. Ouais, ben moi je suis célibataire depuis quelques semaines, donc si tu es drôle, intelligent, que tu es sympathique, et si tu ressembles au docteur Carter dans l'urgence, appelle-moi Gérard s'abstenir. Gérard ressemble au docteur Carter. Ouais, mais Dodo, il a un kyste pareil. Pas vrai. Avec des cheveux là. Je confirme. Non, Mais quoi, Gérard, je plaisante. Olivia ressemble vraiment au docteur Carter. Oui, Gérard. Olivia, conclusion pour toi. Alors, conclusion claire et nette. Mais je trouve que être célibataire, c'est pas si mal que ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein d'avantages. C'est tu peux faire ce que tu veux dans tes draps. Tu peux fêter, roter, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux fêter, roter quand t'es à deux aussi. Bah, ouais, c'est plus gênant. Tu dois Fabio pour un sens, s'il te plaît. Laisse finir Olivia. Donc voilà quoi. C'est encore plus cool quand on a quelqu'un quoi. Tout à l'heure, il y en a, je vais me lever avec le casque sur la tête, je vais allumer un autre micro, il va s'en prendre une s'il continue ce gars-là. Ah non, pas de violence. L'alligator, il va s'en prendre une, je le sens. Non, Gérard, des promesses, donc, des promesses. Fabio. Ouais, bien des célibataires, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Voilà, écoute, moi, Gérard, je pense que bon, là, tu m'as vraiment montré, donc, avec les autres protagonistes du débat. La force. La force est en toi. Non mais exactement, mais je crois que bon, de toute façon, faut la focaliser vers un avenir proche et donc de célibat. Parce que maintenant, j'ai bien compris que les meufs vous servaient à rien. Fabio. On sert à rien. C'est qui t'a mis au monde? Fabio. Fabio. Perdu sans nous. Vous êtes là sans nous. Gérard, écoute. T'arrêtes avec les deux. J'ai rien fait. Regarde. Non, je viens de te voir faire. J'ai les mains en l'air. Ouais, je viens de te voir faire ce coup-là. Hold up. Fabio, je vais te répondre là tout de suite à la question. Tu dis que les nanas ont... Oh, le double sang, la merde! C'est pas grave, Gérard, réponds. Vas-y, Gérard, je te comprends quand même. Vas-y, Gérard. Donc, je te réponds, donc là, je vois pas du tout ta conclusion. Bah, je dis simplement comme quoi, grâce à ce débat, j'ai compris comme quoi, bon, bah, le restant de mes jours, j'irai ça célibataire, j'irai vivre au Tibet, tout simplement, quoi. D'accord. Carole. Alors moi je dirais que sans les femmes, les hommes ne pourraient pas être là. Ouais, exact. Mmh. Et donc je dirais que moi pour le moment je suis célibataire. Et donc comme je t'ai dit Gérard, amitié sincère et plus d'affinité quoi. Mmh. Même parfois je fais des conneries mais c'est comme tout le monde. Hein. Non mais attends. L'erreur est humaine. Hein. Carole. Ouais. Toi t'inquiète pas, je te prends au standard après. Ah tu vas m'attraper? Ouais. T'as encore engueulé. Ah vous Gérard. Gérard, oui. Mais moi je veux savoir en direct, hein. C'est pas au standard. Gérard. C'est Olivia. Je t'écoute. Ouais, je voulais dire un truc à propos du mec là qui a dit que les nanas ça sert à rien et tout. Bah, le mec, c'est moi, ouais, dire, en tout cas, ils aiment bien sauter les neiges. Ouais, parce que je voudrais dire un truc, Gérard, c'est que les, je vais dire, ça c'est, j'ai lu dans un magazine, les gens aiment les femmes qui aiment les hommes. T'as compris? D'accord. Donc, alors, moi, je vais vous dire une chose. Pour une fois, le premier débat s'est passé comme je le souhaitais. Ouais, je vais Gérard. Non, attendez, attendez, je réponds. Gérard, t'as un truc dans le nez, là. Tu diras à Olivier qu'il arrête avec les boutons. Je vais regarder de plus près. Regarde, parce que tu t'en es déjà pris deux, tu vas t'en reprendre un troisième. Donc, Il y en a dans la moustache. Un peu à gauche. Poil de cul, Gérard. J'ai le temps, j'ai jusqu'à 4 heures. Ok, vas-y, arrive. Non, mais attends, tu permets, je fais ma conclusion. Donc, comme j'ai dit au début, donc pour une fois, le premier débat s'est passé comme Max l'avait souhaité. Donc, j'ai pas gueulé, j'ai viré 2-3 personnes. Qu'ont voulu trop savoir sur ma vie privée, qu'ont voulu insulter mes parents, donc là-dessus j'étais pas trop d'accord. Ah ouais, donc sinon ça s'est très bien passé. Alors j'espère que le deuxième débat va se passer aussi bien que le premier. C'est promis. Parce que si ça se passe aussi bien, on termine à 4 heures.